Audiomatique. Low and high, and I feel that in between, you never fall. Just leave it at the door. Just leave it at the door. C'est avec la pièce Moldy Mold du quatuor californien Mad Greggs que les sonoristes ont décidé de débuter cette transmission 225 d'Audiomatique. Cette pièce fait partie de l'album Relatives qui est paru en avril 2012. Les sonoristes vous proposent d'écouter des sons qui se mélangent et s'amalgament au sein de compositions musicales. Le projet français Au cœur nous gâtait de sa pièce Passage, parue sur son dernier album intitulé Inner. Et avant Au cœur, c'était Martin Non-Static et sa musique mélangeant l'IBM et le style Deep House. La pièce Kepler's Law que nous avons entendue se retrouve sur son plus récent album Lingand. Faisons maintenant un détour du côté de la Russie à Audiomatic avec le projet Cycle Hiccups. We'll be right back.

Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows that the war is over. Everybody knows that the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor and the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. 'Cause everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody's got this broken feeling, like their daddy or their dog just died. Everybody's talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. 'Cause everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. 'Cause everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows it's now or never. Everybody knows that it's me or you. Everybody knows that you live forever when you've done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe's still picking cotton for your ribbons and your bows. Everybody knows, 'cause everybody knows that you're in trouble. Venons tout juste d'entendre à Audiomatic la célèbre chanson de Leonard Cohen, Everybody Knows, reprise ici par la formation brooklynoise Elizabeth and the Catapult. On peut retrouver cette version sur leur premier album, Taller Children, lancé en 2009. L'interprétation originale d'Everybody Knows par Leonard Cohen a été endisquée en 1988 sur l'album I'm Your Man. Précédemment, à Elizabeth and the Catapult, nous vous présentions le collectif australien formé de 11 musiciens de Bombay Royal, de qui nous écoutions la chanson Fona Baje Na, extraite de leur premier album studio You, Me, Bullets, Love, fortement inspiré par la musique des trames sonores des films bollywoodiens. Et en amorce de séquence, il s'agissait du projet russe Cycle Hiccups et sa composition Rainy Day Renegade, tirée de la compilation 7x8 56 Stuff Remixes Itself de l'étiquette 56 Stuff. À Audiomatic, allons-y maintenant avec Paleosonic de Brian Eno, pièce qu'il a composée en compagnie des artistes John Hopkins et Leo Abraham. Thank you. Peut-être avez-vous reconnu avec cette dernière pièce le style d'un des maîtres du jazz. Il s'agissait de John Coltrane et la pièce titre de son album Sonship, un album posthume publié en 1971, mais qui présente un enregistrement de son quartet réalisé en 1965, soit dans sa période qu'on peut qualifier de free jazz. Rappelons que Coltrane est décédé le 17 juillet 1967. Avant cette pièce de John Coltrane, nous entendions Brian Eno, qui, pour l'occasion, s'est adjoint des artistes John Hopkins et Leo Abrahams. Le trio nous présentait sa pièce Paleosonic tirée de leur album Small Craft on a Milky Sea, paru en 2010. Pour en finir une fois pour toutes avec cette transmission 225 d'Audiomatique, les sonoristes vous présenteront en conclusion le groupe britannique The British Expeditionary Force et leur chanson Where You Go, I Will Follow, parue sur leur deuxième album Chapter 2, Constellation Noi. Les sonoristes vous invitent à la transmission 226 d'Audiomatique qui aura lieu mercredi prochain dès 17h en direct du studio de C'est Fou 89.1 FM. D'ici là, vous pouvez étancher votre soif de musique en écoutant nos anciennes transmissions disponibles notamment sur nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique-cfou. Voici The British Expeditionary Force et la pièce Where You Go, I Will Follow. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Baby, wrapped in the car seat, in the car, back of the car.